cette fois ce mois-ci que tu me quittes pour toujours. Je vais finir par te croire et te laisser dormir dans la cour. Ça fait quatre fois ce mois-ci aussi que tu reviens en maugréant. Je vais finir par me foutre de tes airs faussement accusants. Souviens-toi qu'on était amants lorsqu'on était de grands enfants. Tu vas finir par sortir de ta mémoire nos bons moments. Souviens-toi qu'on s'était dit oui, ce petit mot que l'on prononce. À la mairie, je me dis parfois que j'ai donné la mauvaise réponse. C'est pas si bas, je ne te vois pas. On se regarde si loin que tu ne m'entends pas. Ma blonde, si je t'entraînais dans mes songes, dans ma ronde, le temps où à chaque seconde tu t'abandonnais même à mon ombre, à mes ondes, et on se fout bien du monde. Si je t'entraînais dans ma ronde, quatre fois ce mois-ci que tu m'appelles au secours. Pour mes conneries, je répondrai plus quand ce sera pour de vrai un jour. Tu dis que je te prête pas l'attention, je te dis que tu devrais faire attention à tes reproches qui font ce soir, c'est moi qui pars de la maison. On se parle si bas que je ne te vois pas. On se regarde si loin que tu ne m'entends pas. Ma blonde, si je t'entraînais dans mes songes, dans ma ronde, au temps où à chaque seconde tu t'abandonnais même à mon ombre, à mes ondes, et on se fout bien du monde. Si je t'entraînais dans ma ronde. Déjà quatre fois ce mois-ci que je te quitte pour toujours. Tu vas finir par me croire et me laisser dormir dans la cour. Ça fait quatre fois ce mois-ci aussi que je reviens en titubant. Tu vas finir par te foutre de mes airs tellement vacillants. Abandonner même à mon ombre, à mes ondes, et on se fout bien du monde.